Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne passe pas du temps en train de contempler ton problème. Ce que tu dois faire, c'est de contempler la grandeur de Dieu. Lorsque tu vois ce Dieu grand qui a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre, il est capable de résoudre ton problème. Il t'a donné son fils Jésus. Comment ne peut-il pas résoudre ton problème? Réveille-toi, cesse de crier, cesse de pleurer. Réveille-toi, ton Dieu est vivant, invoque-le. Réveille ton voisin, réveille ton épouse, réveille ton époux, réveille ton voisin. Nous sommes à OSP, nous allons prier. Matthieu chapitre 6, 25 à 34. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons Matthieu chapitre 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, bannissons toute inquiétude. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment s'inquiéter. Je m'inquiète de mon avenir. Je vais parler à une jeune fille. Regarde, tu n'as même pas encore 30 ans et tu as des pensées mauvaises. Tu as des pensées suicidaires. Je dis, je m'inquiète de ma vie. Je m'inquiète de telles choses. Je m'inquiète parce que j'ai échoué à mon examen. Je m'inquiète parce que je ne sais pas si je vais me marier. Laisse les inquiétudes. Je vais parler à un parent. C'est vrai que tu as beaucoup d'enfants. Avec la rentrée scolaire, ce n'est pas évident. Mais sache qu'il y a un Dieu qui est grand. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Vous voyez, il y a trois choses pour lesquelles les gens s'inquiètent le plus souvent. Trois besoins physiologiques de l'homme. C'est quoi? La nourriture, les vêtements, la boisson. Jésus était conscient que c'était des besoins de l'homme. C'est pourquoi il en parle. Il a parlé à ses disciples et il continue à nous parler aujourd'hui. Il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je vais parler à une jeune demoiselle. Écoute-moi bien. Tu es en train de vivre avec un monsieur qui n'est pas ton mari. Mais tu as peur. Le Seigneur t'a déjà parlé. Les pasteurs t'ont déjà exhorté. Mais ton problème, c'est que tu dis, si tu laisses cet homme, tu ne vas plus vivre. Tu ne sais plus comment payer la maison. Tu ne sais plus comment subvenir à tes besoins. Parce que tu as un enfant avec. Tu dis, mais comment est-ce que l'enfant va vivre? Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu obéis au Seigneur, il te bénira. C'est vrai que c'est difficile dans un premier temps. Mais si tu le fais par obéissance au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas de ces choses. Voyez, ici, il y a deux illustrations que le Seigneur donne pour montrer comment Dieu prend soin de ses enfants. Première illustration, c'est les oiseaux. Il dit au verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que, regarde-toi et l'oiseau là, qui a plus de la valeur aux yeux de Dieu? Toi, tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu vas 1000 fois ou 10 000 fois plus que les oiseaux. Mais Dieu les nourrit. Les oiseaux ne travaillent pas quelque part. Ils ne travaillent pas à la banque quelque part. Ils ne travaillent pas, je ne sais pas, dans une organisation internationale. Mais ton Père, parce que toi tu as accepté Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Toutes les richesses de Dieu lui appartiennent. Pourquoi tu t'inquiètes alors qu'il nourrit les oiseaux? Il ne sème ni ne moissonne. Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas te nourrir, ne peut pas pourvoir tes besoins, ne peut pas nourrir ton enfant, ne peut pas payer ta maison? Deuxième illustration, Dieu, il habille l'herbe des champs. Vous voyez, souvent on ne fait pas attention. Quand tu vois l'herbe là, tu vois comment l'herbe est décorée. Il y a des fleurs parfois. Quand tu regardes, tu vois la beauté. C'est un habillement. Dieu, il habille l'herbe. Et tu t'inquiètes, tu te dis comment je vais m'habiller quand les fêtes vont approcher. Qui va payer les vêtements? Qui va payer mon billet pour que je puisse aller en France? Pour que je puisse aller aux États-Unis? Ça, c'est un faux problème. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est capable de te donner de belles vacances sans cet homme, sans vivre dans le péché. Est-ce que tu comprends? Et c'est pourquoi il dit au verset 28, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Parce que si nous lisons l'Ancien Testament, Salomon est considéré comme l'un des rois qui était dans la gloire. Quand tu vois le palais de Salomon tel que la Bible le décrit, tout était en ivoire. Il était somptueusement vêtu. Mais même l'herbe des champs là, Dieu les habille plus que Salomon. Il va t'habiller, il va te donner pagne, il va te donner le costume dont tu as besoin, il va pourvoir tes besoins. Deuxième vérité, plaçons notre confiance en Dieu, car il sait de quoi nous avons besoin. Vous voyez, notre problème souvent, c'est un problème de manque de foi. Nous plaçons notre foi en l'argent de notre papa, à l'argent de notre mari. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Toi, tu regardes seulement au salaire de ton mari. Dieu est capable de pourvoir tes besoins au-delà du salaire de ton mari. Parce que la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Il ne dit pas que selon le salaire de ton mari. Donc, c'est un problème de foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui là, mais demain, tu sais que tu mangeras. Est-ce que tu comprends? Même si tu ne vois pas cet argent, même si dans les comptes bancaires, il n'y a plus rien, mais tu crois que le lendemain, tu crois que le mois prochain, le Seigneur fera quelque chose. Il va pourvoir aux besoins, ou il va pourvoir à la scolarité de tes enfants. Est-ce que tu comprends? Jésus reproche à ses disciples le manque de foi. Il dit, vous êtes les gens de peu de foi. Il dit au verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Je parle à toi. Le Seigneur te dit, c'est un problème de peu de foi. C'est pourquoi tu as peur même de demander de grandes choses. C'est pourquoi tu as peur même de demander une maison à Dieu. Tu dis, avec mon salaire, est-ce que moi je saurai? Ne dis pas je saurai. Homme de peu de foi. Regarde la grandeur de Dieu. Regarde la puissance divine. Il est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu demandes. Souvent Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu as seulement une petite foi pour avoir un vélo, tu dis dans ma famille, il n'y a jamais quelqu'un qui a une voiture, c'est le vélo que tu auras. Mais si tu crois que, même si dans ta famille, personne n'a jamais une voiture, tu peux demander à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur va te donner. Est-ce que tu comprends? Même si personne n'a jamais fait un voyage à l'extérieur, soit à Paris, soit à Dubaï, soit je ne sais pas en Inde, soit aux États-Unis. Mais toi tu peux dire, Seigneur, donne-moi un voyage, je vais aller en vacances. C'est un problème de foi. Il y a des gens qui n'osent jamais demander ça. Et tu deviens aigri quand les autres vont en vacances, tu commences à te demander, tu commences à dire, ils ont volé. Ils n'ont pas volé. Il y a des gens qui ont la foi que Dieu est capable d'agir. Troisième vérité. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a ici une notion de priorité. Vous voyez? Dieu dit ceci, toutes ces choses-là, la nourriture, les vêtements, les biens matériels, ce sont les païens qui les recherchent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour les païens, les non-chrétiens, ils en font comme leur priorité. Ils veulent à tout prix. C'est-à-dire, ils veulent avoir l'argent. À tout prix. Lorsqu'il réfléchit, il dit, je vais avoir l'argent. Je vais avoir l'argent. Dieu là, il relègue Dieu en deuxième position. Mais nous les chrétiens, ce que le Seigneur demande, c'est de chercher premièrement, pas deuxièmement, pas troisièmement. Je vais parler à quelqu'un. Le problème, c'est que toi, Jésus, tu l'as mis en deuxième position, en troisième position. Même dans tes besoins-là, quand tu as un peu d'argent, tu commences à penser, je vais dépenser à telle chose, je vais dépenser, je vais faire telle chose. La partie même de Dieu, là, ce qu'on appelle même dîme, là, tu ne donnes même plus. Est-ce que tu vois? Cherche premièrement, place Jésus en première position. Cherche premièrement le royaume de Dieu, c'est d'abord donner ta vie à Jésus. Toi là qui vas à la messe, toi qui vas au culte là, tu dis je pars au culte, je pars à la messe. Ta vie n'est même pas transformée. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? C'est la première chose. Ouvre ton cœur à Jésus. Il faut que Jésus soit ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est te préoccuper d'abord de l'œuvre de Dieu. Il faut d'abord que tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu. Quand tu te préoccupes de l'œuvre de Dieu, lui va maintenant se préoccuper de toi. Est-ce que tu comprends? Cherche premièrement le royaume de Dieu et dis, toutes ces choses que tu recherches, les voyages que tu recherches, les visas que tu recherches, les diplômes que tu recherches, la prospérité de tes enfants que tu recherches, la nomination que tu recherches, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, en mettant Jésus-Christ, en mettant le Saint-Esprit en première position, il va te donner. C'est un problème de priorité. Quelle est la priorité de ta vie? Il faut donc inverser l'échelle des valeurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. C'est mon histoire, ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Loué mon sauveur le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Loué mon sauveur. Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Il est le Dieu bon, il est le Dieu qui pourvoit nos besoins. Élève ta voix. Seigneur, nous venons à toi ce matin encore pour te dire merci pour toutes choses merveilleuses que tu fais dans notre vie. Nous prions par ta grâce de nous aider. Enlève les inquiétudes de nos cœurs, les pensées malsaines, les idées qui ne t'honorent pas. En fait, c'est parce que nous sommes ignorants de ta parole qu'aujourd'hui encore, nous ne savons que dire, que demander. Merci Seigneur parce que tu nous habilles chaque jour, tu nous nourris chaque jour, tu nous équipes chaque jour, tu nous gardes, tu veilles sur nous, tu nous protèges et tu combats pour nous chaque jour. Merci parce que tu enlèves l'inquiétude de notre cœur. Merci parce que, encore une fois de plus, tu nous donnes de rechercher ta face, ta paix. Que nous ne pensions point comme les païens. Merci encore une fois de plus parce que tu permets que nous recherchions uniquement le royaume et la justice de Dieu afin que toutes choses nous soient données par-dessus tout. Béni sois-tu pour cette pensée qui est dans notre tête. Recherchez d'abord le royaume et sa justice. Merci parce que quiconque te sert et recherche ton royaume, les intérêts de ton royaume, ne sera jamais dans la confusion. Béni sois-tu. Parce que nous savons que ta parole dit « à chaque jour suffit sa peine ». Merci pour toutes tes grâces que tu as prévues aujourd'hui, qui n'échappera à personne. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération Sous la Brèche. Notre texte du jour, c'est Matthieu 6, 25 à 34. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Comme nous venons de voir que nous devons bannir toute inquiétude, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que ces derniers temps, tu es trop angoissé, tu te poses beaucoup de questions, tu te sens triste. Demande au Seigneur pardon d'abord et demande au Seigneur de te délivrer de cette angoisse, de l'esprit d'inquiétude, de l'esprit d'angoisse qui assaille ton âme au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière, la force dans la prière, opération sur la brèche. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te glorifie pour toutes les grandes choses que tu réalises dans nos vies. C'est un privilège et chaque matin nous ne cesserons de le dire. C'est un privilège pour nous d'invoquer ton Saint-Nom parce que nous avons eu l'opportunité d'être enfants de Dieu. Nous sommes sous ta couverture. Tu veilles sur nous chaque jour. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi, ô Père éternel, ce matin nous nous tournons vers toi et nous prions contre toute forme de crainte, contre toute forme d'angoisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne craindrons pas les terreurs de la nuit. Nous ne craindrons pas les menaces parce que tu veilles sur nous et tu nous gardes. Avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis et nos adversaires. Merci Père éternel pour ta parole qui nous édifie, pour ta parole qui nous donne la foi, pour ta parole qui permet d'aller de l'avant. C'est toi qui as créé en nous la vie, le mouvement et l'être. C'est pourquoi nous bannissons toute forme de doute, toute forme de crainte, toute forme d'angoisse dans le nom de Jésus-Christ. Tu veilles sur nous chaque jour. Merci Père éternel. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour la provision. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour les directives que tu nous donnes également chaque jour. Merci pour l'assurance que nous avons, une assurance liée à la communion avec toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que le Seigneur veut que nous placions notre foi en lui. Il dit, gens de peu de foi, tu vas prier maintenant pour que le Seigneur te fortifie, qu'il fortifie ta foi et que tu sois capable de dire, le Seigneur est capable de pourvoir à mes besoins. Parce qu'il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et tu vas proclamer qu'il est capable de pourvoir à tes besoins. Il est capable de te donner l'argent. Il est capable de te donner l'argent du billet. Il est capable de pourvoir à tes frais de scolarité. Ton enfant étudie aux États-Unis. Ça devient difficile. Le Seigneur est capable de pourvoir à tes besoins. Proclame cela et prie le Seigneur qu'il fortifie ta foi. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père, toi qui nous as créés à ton image et tu nous as rachetés à un grand prix par la mort de ton Fils sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur, louange à toi. Ce matin, nous voulons te demander au nom de Jésus de fortifier notre foi, de nous donner la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi de Joseph, la foi de Jérémie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. C'est cette foi-là que nous avons besoin. Car nous sommes environnés de beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves. Seigneur, cette foi qui va nous accompagner à déplacer les montagnes pour dire où tout le monde est découragé, à dire nous devons avancer. Dieu est avec nous, comme l'apôtre Paul avec ces geôliers qui l'accompagnaient à Rome. Et le bateau chavirait. Il a réussi à fortifier. Il a réussi à encourager. Il a réussi à leur dire que nous allons sortir sains et saufs. Nous croyons que tu es le même. Tu n'as jamais changé. Nous croyons au pouvoir de ta parole. Fortifie notre foi. Pas ta parole. Pas ton esprit. Fortifie notre foi. Nous en avons besoin. Notre Dieu, notre Père, soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à accorder la priorité à l'œuvre de Dieu. Que nous mettions Jésus en première position dans notre façon de faire, d'agir. Et tout le reste, il va nous les donner. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, merci pour ta gloire qui est manifestée dans notre vie. Abraham est un serviteur infatigable. Abraham obéissait à tes commandements, à ta voix. Abraham était tout le temps à ton service. Oui, il était question aussi d'un certain Moïse qui te servait sans cesse, jour et nuit, qui était avec le peuple, qui était le conducteur du peuple et tu te manifestais avec lui par des guérisons, des miracles. Merci aussi, papa, parce que aujourd'hui encore, Jésus-Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Merci pour le service, oui, que tu mets dans notre cœur. Nous voulons pratiquer un service acceptable. Nous voulons t'honorer, aller sortir pour évangéliser, parler de toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous équiper par ton esprit et de nous accompagner partout où nous sommes. Merci pour les missionnaires, ses frères et ses sœurs qui se sont levés pour aller, oui, dans les lieux les plus reculés pour l'avancement de ton royaume. Merci, Père, pour ton œuvre dans la vie de tes serviteurs qui ont la fougue, qui ont l'esprit de t'honorer, de te servir dans la joie et fidèlement. Nous savons que le service paye. Merci, papa, parce que en le faisant, tu nous bénis au-delà de notre espérance dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. La puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.